À l'aube à nouveau, lendemain, je scrute l'horizon de ma vie avec toujours le même stylo en main. Je savoure lentement chacune des saisons, souvent belles à mes yeux, parfois sans raison. Le rap est devenu une dépendance et je suis devenu moi-même. Je ne suis plus dans la tendance et c'est comme ça que je m'aime. Y'a cette mélancolie, quel effet de perpétuel qui m'empêche d'avancer, c'est elle. Mais faut que j'arrête d'en parler, elle est la cause de mon mal-être. Faut que j'oublie sans tarder, que j'efface toutes ces lettres. Mais avant de vous laisser, laissez-moi vous lire cette lettre. Madame, monsieur, laissez-moi me présenter. J'ai 18 ans, je suis étudiant, apparemment en bonne santé. Très tôt, j'ai senti que l'écriture me tentait. Dès le collège, t'as fait mes textes en cours de français. En 2006, naissance du groupe de la musique entre frères. Voilà ce qui nous regroupe, on a sorti Cassosphère. J'avoue, c'était médiocre, on a beaucoup progressé. Maintenant, on a un socle, on a tout stabilisé. En 2009, nous revoilà, on revient de plus belle. 5 mois de travail pour mélancolie perpétuelle. Après tout ce que j'ai vécu, je ne m'arrêterai pas là. Vous pouvez me critiquer, mais moi j'entendrai pas. Je n'écoute que mes proches et pas les hypocrites. Y'a qu'à eux que je m'accroche et ça se ressent sur le beat. Je tenais à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Sachez que j'oublierai pas, quoi qu'il advienne. En attendant de nouveaux sons, restez à l'écoute. Nouvelle moisson, sans aucun doute. Pour les autres, dites-vous bien, je suis parfait pour vous plaire. Et qu'avec ou sans soutien, je ne serai jamais à terre. Et qu'avec ou sans soutien, je ne serai jamais à terre. Et qu'avec ou sans soutien,